Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, des pièces un peu à tendance pop, mais pop à la web musique, donc vous serez quand même pas trop dépaysé. Comme à l'habitude, donc, je vous invite à visiter la page de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Ça va vous permettre donc de consulter la playlist et de télécharger les pièces entendues à l'émission. Donc, sans plus tarder cette semaine, on va débuter avec quelque chose publié sur Honores D. C'est un remix de KRS-One et Sadat. C'est donc remixé par The Deeper et The Corner. La pièce s'intitule Blow Up Da Spot. Vous allez voir, vraiment excellent. Ensuite de ça, j'ai trouvé une superbe de compilation. C'est sur le magazine néo-zélandais The Corner, une compilation gratuite intitulée Awesome Feeling Number 7. C'est Kariba. Je vais vous faire passer sa pièce au tout. Donc, la compilation est vraiment variée. Beaucoup de trucs à tendance hip-hop. Il y a du vraiment bon punk. Il y a toutes sortes de trucs vraiment variés. Super compilation. Donc, je vous invite à la télécharger gratuitement. Donc, c'est ça. On débute avec le mix de KRS-One et Sadat X. Yet. Out my fire, not yet. Your skills higher, not yet. You wanna be called kings and sires, but you sing for hire. You free, not yet. Face the truth, but not yet. You blaze the boot, but you still ain't hot yet, not yet. KRS rhymes next, I'm complex. I came too far to drop bars for Sadat X. BX is on the block next. This the top set, some others are not yet. Like they got the top rap, claiming king, but y'all ain't put a thing back in the hip hop yet. Got checks, we got pockets. Got texts, we got rockets. You got plugs, we got sockets. You got beats, we got topics. Come in, yeah, Sadat X. That X in the teacher, it's a creature, a beast of burden. Energy exerting, it's fuel. The rule is, the fool is shot with his own gun. I'm up with the sun and the earners. It's no more about the burners. You seen the first 48. Murder is whack now, so it's smoking crack now. It's a new hustle, new gaffle. You can win a raffle and be a rapper. She just telling the truth and you get mad and wanna slap her. I'm not a banger, never heard me with a real R&B singer. I never had that, but I'm not mad at them tunes. I've been through the cold Decembers and brilliant Junes. Black man, hold your seat up to the moon like roots, and let them digest these fruits. It's good to live on. Yo, open your eyes now. Everybody talking about crime now. It's like we going back in time now. I'm ready to shine now. Get mine now. But the more I climb now, I find now. Cats don't want you to rise now. They want to hold you back by replacing the facts with the lies now. So watch the skills I apply now. I'm gonna be big, but I ain't ready to die now. Why mothers gotta cry now? Cause some dumbass kid now is believing in the lie now. What's the lie now? The lies you ain't gotta try, cause everybody out getting high now. Why now? Cause you might see Chinese bombers flying across American skies now. Man, I'm telling you to rise now. Don't worry about your size now. It's time to get wise now. Show you how to keep your calendar full. with show dates in Europe and the States, Eastern District. 161st, where the new Yankee Stadium new that's built over the park. It only takes a spark to light the bomb, then I'm off to Fordham, out of boredom. Patterson, Millbrook Projects, the Nine Live Crew, 152, to Park Avenue, Grand Poop, to now Rue. I'm a problem on all joints. I need all points I touch. Hat rides sell through the biggie cars. We love them that much. See me escape upstate on the hutch. She can't wait till I stop. She pop herself with the clutch. Sometimes she real tender to touch. I strayed, but she don't really hold no crutch. Nah, not at all. Yeah, ladies and gentlemen, gentlemen, Sadat X. Oh, Donc, de la ville de Wellington, en Nouvelle-Zélande, c'était Kariba avec la pièce Otu. C'était donc tiré d'une compilation publiée par le magazine The Corner, un magazine qui nous vient de la Nouvelle-Zélande. Avant ça, bon, on avait débuté Web Music avec un remix de KRS-One et Sadat X. C'était remixé par The Deeper et The Corner. Donc, c'était la pièce Blow Up de Spot. On poursuit cette fois-ci avec les Welcome Dragon. Je vous fais entendre la pièce Fingertips. C'est sur l'étiquette Musica Docile. Ensuite de ça, sur l'étiquette Under Pollen, un album vraiment étrange. L'artiste s'appelle Don't Look At Me, I Am Deformed. Une drôle de compilation. C'est des samplings de musique pop, mais on dirait que c'était fait par un jeune de 12 ans qui a un déficit d'attention. Donc, assez intéressant. La pièce s'intitule Ask a Lion. Donc, on écoute tout de suite Welcome Dragon à Web Music. I'm une pièce complètement pétée, c'était par Don't Look at Me, I Am Deformed. C'était la pièce Ask a Lion. Je vous invite à télécharger son album. C'est vraiment spécial comme musique. Un mélange presque malsain de musique pop. Donc, c'était ça sur l'étiquette Under Pollen. Avant ça, c'était les Welcome Dragon, un groupe qui nous vient de l'Italie. C'était la pièce Fingertips, publiée sur l'étiquette Musica Docile. On poursuit avec un artiste du nom de Mr. D. Donc, la pièce Zoo, c'est un remix par DJ Estio sur l'excellente étiquette Pickpack. Toujours des trucs vraiment incroyables sur Pickpack. Ça va un peu dans tous les sens. Beaucoup de styles musicaux représentés. Donc, sur l'étiquette, je vous invite à faire un tour sur Pickpack pour plus d'informations. Ensuite de ça, sur l'étiquette italienne Ephedrina, je vous fais entendre un peu de Martino Bernasconi et Mass and Delayer. Donc, c'est la pièce 22 Birds. Ça aussi, vraiment excellent. Donc, c'est ça, on écoute ces deux pièces-là à Web Music. We'll be right back.

Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre deux pièces à saveur orientale. Ce qui vient tout juste de jouer, c'était un artiste de la Serbie. C'est Oggy Feel the Beat. C'était la pièce Return of the Infinity. C'était sur l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. Avant ça, de la Tunisie, c'était Dub Machine avec sa pièce Orient Illusion, tirée de son album du même nom. Ça vient tout juste d'être publié sur l'étiquette Fresh Pulp Records. On poursuit avec un truc sur Suku Music, c'est Claudio Quartarone, c'est la pièce Sacha. Claudio qui joue de la guitare et qui rajoute des effets, des trucs électroniques vraiment hypnotisants. Ensuite de ça, sur l'étiquette Brock, c'est Eche Boas, c'est la pièce Modern Viking. Donc on écoute tout de suite Claudio Quartarone. Thank you. Une pièce dansante et planante à la fois, c'était donc Echeboas avec la pièce Modern Viking. C'était sur l'étiquette allemande Brock. Avant ça, c'était sur l'étiquette Suku Music. C'était Claudio Quartarani avec sa pièce Sacha. Claudio, donc, qui remixait donc sa guitare avec des arrangements électroniques vraiment spécial. Je vous invite à télécharger son album. Ce qui suit, je vous fais jouer un peu de 96 World. C'est la pièce Bruce Willis. C'est tiré de son album Private Language. C'est sur, publié sur l'étiquette Error Broadcast. On écoute ça. Cette pièce vraiment fat. Oups, excusez-moi. Donc, cette pièce vraiment fat, c'était par 96 World. C'était la pièce Bruce Willis. C'était sur l'étiquette Enough Records. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Je vous invite à visiter le site de l'émission. C'est au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir télécharger les pièces en consultant la playlist. Vous pouvez télécharger de façon gratuite et légale. On va se quitter sur quelques secondes de Louis Futon. C'est la pièce Should Have Known. Vous allez voir, pas si pire pour terminer l'émission. Je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h, excusez-moi, de 20h pour une autre émission de Web Musique. Thank you.